aux yeux de la loi, j'ai pas de droit, j'ai rien. Qui profite de tout ça, depuis 30 ans? Je n'existe pas dans tout ça. Les immigrés viennent en France parce qu'ils remplissent des emplois qui ne sont pas pourvus en grande partie. Les choses ont changé. Parfois même dans les propres ministères, c'est eux qui nettoient les bureaux le matin. Le chômage. C'est comme si on me faisait sentir la fumée d'une bonne nuit. Là où la situation est aujourd'hui. Et qu'on me fermait la porte en me disant non. Qui profite de tout ça? J'ai pas d'identité. Les choses ont changé. Ça n'empêche pas de se poser des véritables questions. Et pourtant je suis là. Moi je te donne ma nationalité. Bien en dehors d'une rationalité, mais corps étranger peut-être, originaire, les fils d'un quartier ou d'une bonne mère. Je te donne mes papiers, à toi qui vis dehors, car emballer un métier, sert vivifier son corps, ah ouais. Mais qu'est-ce qu'une identité? À quel point un trésor se fondre dans une fosse? Identité, une fausse identité. Moi je te donne ma nationalité. Moi je te donne ma nationalité. Je renie volontiers tout ce en quoi je suis lié. Mes pas resteront les mêmes, d'Istanbul au carême, mais je regarderai mieux les droits, m'y formerai bien plus adroit, car tous mes droits, je te les laisse, vide de foi. C'est toutes ces laisses qu'on nous offre en collier, nos propres terres, mais à la particularité, au plus moyenné. Je suis là.